Monsieur de Focas, Monsieur de Focas, Jean Lorrain. Les larves. Le bouc noir passe au fond des ténèbres malsaines. C'est un soir rouge et nu. Tes dernières pudeurs râlent dans une mare énervante d'odeurs. Et minuit sonne au cœur des sorcières obscènes. Le simoun du désert a balayé la plaine, plongé en tes cheveux pleins d'une âcre vapeur. Ma chair couvre ta chair et rumine en torpeur l'amour qui doit demain engendrer de la haine. Face à face, nos sens encore inapaisés se dévorent avec des yeux stigmatisés. Et nos cœurs desséchés sont pareils à des pierres. La bête ardente a fait litière de nos corps, et comme il est prescrit quand on veille des morts, nos âmes à genoux, là-haut, sont en prière. D'une voix monocorde à peine sombrée, à la fin de chaque strophe dans un sanglot, Maud White venait de dire un troisième sonnet. C'était la mélopée d'une prose liturgique. Et devenue d'église elle-même, raidie contre la tapisserie toute de personnages vagues et de flottants reflets, la tragédienne semblait incarner un rite de religion oublié qu'elle aurait ressuscité dans un geste et dans la cambrure figée de ses reins. Le bouc noir passe au fond des ténèbres malsaines. L'appel aux goules, l'appel aux larves, ricanait derrière moi la voix d'étale, et en effet, pendant que la White officiait ses deux longues mains retombant au bout de ses bras pâles, comme effeuillant d'invisibles fleurs, ses aisselles offertes, ponctuées d'une rouille d'or, l'atelier du peintre s'était peuplé de nouveaux visiteurs, des visiteurs silencieux, entrés à pas feutrés et venus se ranger contre les dames en hennin et les chevaliers casqués des murailles. On eût dit que la voix lente de Maud les évoquait, et dans l'atmosphère de songe installée là par l'Irlandaise, maintenant que la White se taisait, sa figure de morte, à peine éclairée par le petit trait de nacre d'un sourire et d'un regard oblique, je reconnaissais les nouveaux venus. C'était dans des lueurs de satin et de perles, les épaules grasses et la mâchoire lourde de la marquise Neidorf. La marquise Neidorf, née Laetitia Sabatini, et belle encore, malgré la quarantaine, de son profil de médaille sicilienne casqué de luisants cheveux noirs. Les paupières capotées dans une face de bistre, la princesse Olga Mirianianskina se tenait auprès d'elle. Comme elle épaissit par l'âge et plus bestiale encore par la fatigue de son visage, autrefois de bacchante et maintenant de ruminant, et quoique de races différentes, toutes les deux arrivaient à se ressembler. C'était la même fanerie du teint, et dans les yeux et le sourire, la même hébétude exténuée, toutes les deux bouffies, alourdies de morphine et portant dans leurs traits le stigmate. La slave et la sicilienne étaient entrées presque ensemble. La princesse de Sériman frileuse les avait suivies de quelques secondes, mais elle, un homme du moins l'accompagnait, le comte de Mouzaret. C'est de là aussi se ressemblaient, sveltes et précis comme deux découpures, de silhouettes aiguës toutes les deux. On eût dit un couple d'élégants, et l'on les vrillait. Mais à les contempler, la maigreur de la femme avait plus de muscles, les arêtes du profil avaient chez elle une autre volonté. Oh, l'entêtement de ce menton trop long et de ce front qui bombe sous l'or léger et pâle des cheveux, le gris maussade et dur des prunelles d'acier et la raideur de toute cette attitude dans l'étroit fourreau de satin perlé qui la gainait. L'homme, petite tête d'oiseau de proie aux cheveux drus et crépelés, avait dans toute l'élégance de son corps un maniérisme voulu, une savante souplesse. La peau très fine et très fripée, les mille petites rides aux tempes et la ciselure des lèvres minces étaient d'un portrait de Porbus. La transparence des oreilles sèches et écartées réclamait les pendants d'oreilles, comme le cou grêle et raide la fraise godronnée des Valois. Une race étonnante, ce comte de Musarette. Au milieu de ces trois femmes, il avait l'air d'un portrait de musée, illustrant le texte de trois mauvais livres, et, si affecté que fût sa hauteur, 400 ans de noblesse, sans mésalliance ni défaillance, éclaboussaient en lui leur cosmopolitisme princier. Leur groupe entourait maintenant la tragédienne. On complimentait l'évocatrice. Les femmes, avec une lueur dure dans leurs prunelles fixes, les mâchoires contractées malgré leur évident effort au sourire, toutes les trois devenues singulièrement pâles, tandis que Musaret, dans une souple inclinaison de tout son être élégant et délié, affectait un empressement, un enthousiasme, une passion de dilettante évidemment libérée de tout désir. « Regardez-moi les ogresses !» ricanait la voix d'Étal. « Comme elles se frottent à la jeunesse de la White, et comme leurs yeux la déshabillent. Suivez les regards aigus de l'américaine. Ils plongent comme des dagues dans le décolletage de l'irlandaise. Il y a longtemps que la belle fille serait nue si ses yeux-là avaient le coupant de leur acier. » Et comme ils poignardent les deux rivales. Oh, la chair fraîche les attire, elles ne sont venues que pour elles. Quant au cher comte, c'est la sublime indifférence, il ne fait sa cour qu'à la diseuse. Tout ce bel étalage d'idolâtrie ne vise qu'à placer à Maud quelques pièces de verre. Il lui enverra demain ses 10 volumes, avec dédicace. Et les rats ailés du comte Emery de Musaret compteront une muse de plus. Il faut bien soigner sa gloire. Voyez quel masque de diplomatie se dégage de tout ce fin profil. Il est manégé comme un cardinal. Il a flairé dans la White un bon agent de notoriété et n'est venu que pour l'atteler à sa gloire. C'est lui-même qu'il courtise à travers les salamalecs qu'il lui est fait. Il ne flirte qu'avec lui-même. C'est le Narcisse de l'encrier. Bon, voilà qui va brouiller les cartes. C'était l'entrée à pas glisser du plus joli petit homme. Mince, éthéré, des yeux de bleuet sciés de blond dans un visage. D'une blancheur diaphane, des pommettes à peine touchées de rose et si doucement qu'on les eût crues fardées, et des cheveux légers comme de la folle avoine. Frais et délicat, un saxe. Il se faufilait vers le groupe des mondaines en extase autour de Maud. La marquise Neidorf le présentait. Le comte de Musaret, qu'un imperceptible frémissement avait secoué à l'entrée du nouveau venu, se dérangeait à peine pour lui faire place. Il continuait même d'accaparer la tragédienne avec une impertinence affichée pour le nouvel admirateur. Amusante, la rencontre, c'est ce que l'a fait Étal. C'est Musaret qui l'inventait il y a 2 ans, et maintenant ils ne peuvent plus se voir. Il s'est trouvé que le musicien avait plus de talent que le poète, et les mélodies de Delabarre ont été plus goûtées que les vers qu'elle accompagnait. Il avait trouvé cela, le cher comte, de lancer le compositeur pour faire un sort à ses rimes, mais ne prévoyait pas que le monde ferait meilleur accueil aux pizzicati qu'aux hémistiches. Il l'a congédié pour l'ingratitude. L'ingratitude pour les narcisses, c'est le succès d'autrui. Mais le petit a de la tête, de l'entregent et même de l'intrigue. C'est un élève qui fait honneur à son maître. Il passera sur le dos du comte. Il a pour lui le physique et la jeunesse. Impossible d'être plus joli. Voyez, les ogresses même le regardent. Il est capiteux comme un travesti. Et Maud elle-même a daigné arrêter sur lui le regard lointain de ses yeux verts. Elle n'écoute même plus le cher comte. C'est le petit qui tient le record. Il vient là pour placer sa musique comme le comte ses poèmes. Tous deux comptent sur Maud pour les imposer à Londres et même à Paris. Cet hiver, la White dira-t-elle des vers de l'un ou déclamera-t-elle sur la musique de l'autre? Conflit. L'amusant serait que l'intérêt les rapprocha et qu'il y eut reprise après rupture. Qui sait? Ils partiront peut-être ensemble, réconciliés par Maud White. Si Musaret y voit son intérêt, il étouffera sa rancune. C'est un homme très fort. Et avec un rire étranglé, presque un gloussement de poule, ce petit délabre les affole tous et toutes. Voilà la duchesse d'Altor de Cher qui vient complimenter Maud et se rapprocher de lui. Et voici Men Erchappen et tout le clan anglais. Bien humés de près ce jeune bouton de rose, les voilà bien les larges, la fraîcheur du sang les affriande, et les rassemble, on ne procédait pas autrement dans l'Antiquité pour évoquer les ombres. Souvenez-vous des colombes égorgées par Ulysse, en offrande aux divinités du Styx. Et voici même que l'Hindou s'en mêle. L'Hindou et son turban brodé d'or, mais du coup les princesses ont cédé la place, se commettre avec la duchesse une ancienne danseuse, une femme qui a couché pour de l'argent, fi donc, Messaline, mais non pas Thaïs, et encore, Messaline est un bien gros mot, mettons prêtresse de la bonne déesse, n'est-ce pas? Puisqu'aucun homme n'était admis au mystère d'Isis. Maud White et son frère accueillaient maintenant les adulations et les prosternements des fracs fleuris de gardénia et de l'allemand au chapelet d'opale. La vieille duchesse spectrale, avec sa face vernie de poupée, avait attiré le pianiste sur un divan. Vautré dans un écroulement de chair flasque, submergé de moire fauve, elle le tenait presque appuyé sur elle. Tous les diamants de sa poitrine coulaient en stalactites brillantes sur le joli homme souriant. Lui se cabrait à peine dans un mouvement de recul. Les prunelles noires de l'hindou, derrière eux, flambaient. Dans l'ombre vaguement animée par la lueur des cierges, processionnait la théorie fantôme des chevaliers bardés et des dames brodées de la tapisserie. Et Thomas, welcome qui n'arrive pas, grognait Claudius en consultant sa montre. C'était surtout lui que je voulais vous faire connaître, et c'est lui qui m'apportait de voir. Les autres, et un geste insouciant achevait sa phrase. La princesse Seyraman frileuse, passons encore, elle est intéressante. Grecran, ce qu'elle a fait, ce mariage honoraire et les 80 000 francs qu'elle sert au vieux prince pour porter son nom et promener à travers le monde son vice et son indépendance. C'est une passionnée, et vraie, celle-là. Il y a tant de snobisme et de morphine dans la perversion des autres. La marquise a été mal mariée, amenée où elle est par la lâcheté du monde et l'indignité d'un mari. La Myrioninska est presque besogneuse. Les filles l'entretiennent. C'est une mode de la voir à 5 heures dans les boudoirs, aveulie, intoxiquée, exténuée d'elle-même et de tous. Elle n'a même plus le souci de la sensation rare, qui est la seule excuse des aberrés. Leur niveau d'intelligence ne dépasse pas de beaucoup l'abrutissement des habitués d'une place blanche et d'un rat mort. La Sériman est autrement belle. Voyez quelle volonté âpre à son fier profil, et ses yeux gris couleur de glace qui font, ses yeux durs et mornes, voyez ce qu'il recèle d'énergie pensée et opiniâtre. Regardez-la, voyez avec quelle attention elle étudie la duchesse d'Altonshire, et pourtant tout dans cette femme doit lui faire horreur, et sa vieillesse et son passé. Mais Aliette Monteau a été délicieusement belle, une des remueuses de cœur et de millions d'il y a 30 ans, et la princesse de Sériman, qui le sait, cherche et regrette dans cette ruine l'adorable instrument qui n'est plus, mais qui y fut, de volupté et de désir. Napoléon devait regarder ainsi le champ de bataille où un autre que lui avait remporté la victoire. D'ailleurs, vous connaissez le surnom de la princesse. Et il me chuchotait une drôlerie. À Lesbos? À Lesbos, parfaitement. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses. Et welcome qui ne vient pas. Au fait, si je demandais à Maud de nous dire des vers, tous ces déplacements ont jeté un froid. Baudelaire me semble tout indiqué. Venez donc avec moi, freineuse, nous allons la prier de nous dire les femmes damnées. Nous en avons quelques-unes ce soir. Comme un bétail pensif sur le sable couché. Bon, l'autre duchesse maintenant. Oh, celle-là, tout à fait innocente, une curieuse qui s'égare. Impossible de risquer le Baudelaire devant elle. C'est une altesse royale, je vous quitte. En effet, escortée de 2 hommes, une femme entrait. L'opium. Les Javanaises avaient remis à chacun de nous une pipette bourrée d'une pâte verdâtre. Surgit d'entre les tapisseries, un noir, tout de blanc vêtu, nous avait successivement allumé aux braises ardentes d'un réchaud d'argent, et couché en demi-cercle sur des coussins et des tapis d'Asie, la main accotée à des carrés de velours perçants ou de soie brodée, nous fumions maintenant en silence, tous singulièrement attentifs au progrès de l'opium. L'atelier, tout à l'heure si bruyant, était tombé dans le recueillement. Sur un signe d'étal, les mains agiles des Javanaises avaient déboutonné nos gilets et entrouvert nos cols de chemise pour faciliter la marche du poison. J'étais couché tout près de Sir Welcome, Maud White, dont la taille libre oscillait sans contrainte sous son péplum de velours noir, fumait allongé auprès de son frère. Les Anglais formaient un groupe à part, déjà moins bruyant sous l'oppression montante du narcotique. Restée assise sur son fauteuil, droite et gainée dans son armature de pierreries, la vieille duchesse d'Altonshire seule assistait, mais ne fumait pas. Sa pipette à la main, Étale s'attardait encore dans des allées et venues, donnant des ordres. On avait éteint tous les cierges. 2 seuls avaient été remplacés et rallumés, qui flambaient haut au milieu de la pièce. Ils brûlaient aux 2 coins opposés. D'un tapis étalé là, Le nègre y effeuillait toute une pluie de fleurs, puis se retirait. Ses cierges et ses pétales, on aurait dit une veillée funèbre. La fumée de nos pipettes montait en spirale bleuâtre. Un silence affreux pesait dans l'atelier. Étal venait alors s'étendre entre Welcome et moi, et les danses du poison commençaient. C'était dans l'atmosphère muette et lourde du vaste hall empli de vapeurs, les oscillations sur place, les piétinements rythmés et les longs contournements de mains comme désossées et mortes, des deux idoles javanaises. Debout, parmi les fleurs effeuillées, à la lueur spectrale de deux cierges, elles froissaient fiévreusement la laine du tapis sous le martèlement de leurs talons. Leurs genoux luisaient ainsi que leurs cuisses minces dans l'envol de gaz transparente. D'étranges diadèmes maintenant les coiffaient, espèces de tiares en cône qui faisaient leur face triangulaire et redoutable. Et tandis qu'elle s'agitait en silence dans une lente et cadencée ondulation de tout leur corps, les pectoraux de coquillages glissaient doucement de leur torse, et les anneaux de jade le long de leurs bras nus. Les deux idoles se dévêtaient, leurs oripeaux bruissants venaient s'abattre à leurs pieds dans un léger crissement de coquilles tombant sur le sable, les tuniques de soie blanche suivant la chute lente des bijoux. Et maintenant, toutes minces dans leur nudité irritée, terminées en pointe et comme dardées par le cône de leur diadème, on eût dit, dans les vapeurs bleuâtres, la danse délicieuse et lugubre de deux longs serpents noirs. Dans la salle obscure, c'était en amas confus, les groupes affalés des fumeurs. Des visages crispés émergeaient çà et là comme des masques, blêmes visages d'intoxiqués déjà travaillés par l'ivresse. D'autres avaient sombré dans la nuit, et sur tous ces corps, on eût dit massacrés, la raide silhouette de la vieille Alternator s'immobilisait, incendiée par instant de la flamme des cierges reflétée dans l'eau de ses colliers, telle une statue somptueuse et sinistre. Déjà des ronflements s'échappaient des poitrines. Parmi les pétales effeuillés, les idoles nues dansaient toujours. Tout à coup, elles se prenaient à la taille, tournoyaient étroitement, enlacées, ne faisaient plus qu'un seul corps à deux têtes, puis soudain s'évaporait. Oui, s'évaporait, comme une fumée, et en même temps une grande lueur entrait dans le hall. Tout un pan de la tapisserie s'était écarté, et dressé en forme de scène, la table à modèle de Clodius apparaissait blanche de lune, froide et cirée comme un parquet, éclairée du dehors par la nacre et le givre d'un pâle ciel nocturne. Un ciel ouaté de molles nuées où se profilaient, aigues et noires, des silhouettes de cheminées et de toits. Tout un horizon de tuyaux, de pans coupés de mansardes figées dans du sel et de l'alimaille de fer. Au loin, le dôme du Val-de-Grâce, un fantastique et silencieux Paris, vu à vol d'oiseau, le panorama même des fenêtres de Clodius, encadré comme en décor dans le châssis vitré de son hall. Et sur cette scène improvisée, un être de rêve, une blancheur jaillissait, un floconnement de tulle ou de neige, quelque chose d'impalpable et d'argenté. Et cette chose tourbillonnante et frêle qui bondissait et voltigeait délicatement sous la lune, dans l'ennui de ce coin d'atelier désert, était une gracile nudité de danseuse. Comme un flocon d'hiver, elle tournoyait dans l'air muet, et le taquetet de ses jetés battus animait seul l'affreux silence. Sans le bruissement soyeux de ses tulles, elle eût été surnaturelle, surnaturelle de transparence et de maigreur. Ses jambes d'une minceur de tige, la saillie d'os de sa poitrine, sa pâleur bleuie par la lune, sa taille effroyablement fragile faisaient d'elle une fleur fantomale et perverse d'une joliesse funèbre. Le décor de cheminée et de toit parisien achevait la vision. C'était une petite âme de Montparnasse ou de Belleville qui dansait là, dans le froid de la nuit. Sa face camuse et pourtant délicate avait le charme affreux d'une tête de mort. De longs bandeaux noirs la coiffaient, et dans ses yeux cernés, une flamme d'alcool brûlait, intense, dont l'ardeur bleue faisait frémir. Où avais-je déjà vu cette fille? Elle avait la gracilité de Willy et le sourire d'Isaac Cranil, ce triangle de chair ironique et toujours découvrant des duretés d'émail. Oh, les ombres portées de ses omoplates! Comme le squelette transparaissait sous la platitude de ses seins. Autour de moi, des râles sortaient des poitrines. Ils ne ronflaient plus maintenant, et j'avais la tête pesante et glacée, et la sueur me mouillait partout, et le flocon dansait toujours. Il flambait soudain, dans une lueur violette, comme sous une projection de gaz oxydrique, et tout à coup, remonté dans le ciel, les toits et les cheminées envahissaient l'atelier. Ils étaient maintenant dans les frises, le vitrage de la baie du même coup éclaté, les maisons invisibles des toits et des cheminées soudain surgies de terre, et j'étais couché parmi mes coussins d'Asie, sur un trottoir de rue, en plein Paris désert. Paris non, mais un carrefour dans une banlieue lugubre, une place bordée de nouvelles bâtisses encore inhabitées, les portes barrées par des planches avec des terrains vagues s'entrevoyant au loin, une nuit froide et gelée, le ciel très clair, le pavé dur, une affreuse impression de solitude. Par une des rues, tout en construction blanche, deux horribles voyous débouchaient. Côtes de velours, vestes de toile, des foulards rouges autour du cou et d'ignobles profils de poissons sous la casquette haute. Il se ruait comme une trombe, en traînant avec eux une femme qui se débattait, une femme en robe de bal, une somptueuse pelisse glissait de ses épaules, une femme blonde et délicate, dont on ne voyait pas le visage et que je craignais de reconnaître. Et cette scène de violence ne faisait pas un bruit. De la femme brutalisée et muette, je ne voyais que le dos nacré et la tendre nuque blonde. Les rôdeurs la tiraient par les bras, tombés sur les genoux, inertes de terreur. Je voulais appeler et courir à son secours, et je ne pouvais pas. Deux mains de force, deux serres me tenaient aussi à la gorge. Tout à coup, un des voyous précipitait la femme, face contre le sol, et s'agenouillant sur elle, lui sciait le cou avec un coutelas. Le sang giclait, éclaboussant de rouge la pelisse de velours vert, la robe de soie blanche et la frêle nuque d'or. Je m'éveillais, râlant, étouffé par mes cris. Autour de moi, c'était le sommeil lourd à face convulsée des autres fumeurs. La tapisserie était retombée sur le châssis vitré du hall. C'était l'obscurité, la nuit. Les deux cierges brûlaient toujours, mais dans une lueur verdâtre qui décomposait les visages. Comme il y en avait de ces corps étendus, L'atelier d'étal en était jonché. Nous n'étions pas tant que cela d'abord. D'où venaient tous ces cadavres? Car tous ces gens ne dormaient plus. C'étaient des morts, autant de morts, une vraie marée humaine de chair verdie et froide, qui montait tel un flot, déferlait tel une vague, mais une vague immobile, jusqu'au pied de la duchesse d'Altenheischer, demeurée, droite et les yeux grands ouverts, assise dans son fauteuil comme une idole macabre. Elle aussi verdissait sous son phare, toute la purulence des corps, entassée là, suintée en lueur humide, le long de sa peau flasque, sa pourriture phosphorée, hiératique et bouffie sous ses diamants devenus livides, elle semblait brodée d'émeraude. Une déesse verte, et dans sa face couleur de ciguë, les yeux seuls demeuraient blancs, luisaient. Je voyais cette chose abominable, la vieille idole se pencher, ou plutôt se casser, tant elle était raide, vers un corps de jeune femme affalé à ses pieds. Un souple et blanc cadavre étendu contre terre et dont on ne voyait que la nuque, une nuque blonde et grasse, comme celle de Maud White, et l'Altenheischer, avec un ricanement sinistre, approchait de cette nuque une bouche vorace, ou plutôt un semblant de morsure, une ignoble ventouse. Car dans l'effort, les gencives pourries laissaient tomber leurs dents. « Maud !» m'écriai-je, redressé d'angoisse. Mais ce n'était pas Maud que convoitait l'horrible fin de l'idole. Car dans la même seconde, je voyais resplendir dans un halo violet le sourire et le regard oblique de la tragédienne. Son masque mystérieux flambait en auréole au-dessus de l'horrible Altenheischer et tout retombait dans les ténèbres, tandis qu'une voix connue scandait à mon oreille. La chasteté du mal est dans mes yeux limpides. La voix de Maud, sa voix. Smara. Ici, un heurt dans mes souvenirs. Je sombrais dans un chaos d'hallucinations brèves, incohérentes, bizarres. Le grotesque qui côtoyait l'horrible. Et prostré comme garrotté par d'invisibles liens, j'assistais dans l'angoisse et l'épouvante à la chevauchée opprimante des plus effrénés cauchemars, toute une série de monstres et d'avatars grouillant dans l'ombre comme une fresque et s'animant en traits de soufre et de phosphore sur le mur mouvant du sommeil. Et c'était une course éperdue à travers les espaces. Je flottais, empoigné aux cheveux par une main de volonté, une serre énergique et glacée, où je sentais des duretés de pierreries et que je devinais être la main d'étal. Et c'était des vertiges et des vertiges, une sorte de course à l'abîme, sous des ciels de camphre et de sel, des ciels d'une limpidité terrible dans leur éclat nocturne, et je tournoyais, ahuri, au-dessus de déserts et de fleuves. Des étendues de sable fuyaient, moirées par places d'ombres monumentales. Parfois nous passions par-dessus des villes endormies, avec des obélisques et des coupoles toutes laiteuses de lune entre des palmiers de métal. Plus loin, c'était parmi des bambous et des palétuviers en fleurs, la descente vers l'eau des degrés lumineux de millénaires pagodes. Les troupeaux d'éléphants les gardaient et cueillaient pour les dieux, du bout de leurs trompes molles, les lotus bleus des lacs. Et c'était l'Inde légendaire et védique, après l'Égypte mystérieuse. Partout où nous passions, les bords des fleuves et des étangs étaient gardées par d'étranges idoles, les unes anguleuses et comme taillées à coups de hache dans le granit, qui se tenaient assises, les mains sur leurs genoux, et miraient dans l'eau d'affreuses têtes de dogues, des quadruples rangs de mamelles gainaient le torse d'autres. Il y en avait de brillantes et de radieuses, comme toutes jeunes. D'autres étaient couvertes de lèpre, et si vieilles qu'elles n'en avaient plus de visage. Une avait un nid de serpents grouillants entrelacés sous l'aisselle. Une autre, si belle qu'elle semblait musicale, avait le front gemmé d'étoiles. Parmi ses idoles priaient au clair de lune des fidèles agenouillés, et parmi ses dévots il y avait aussi des bêtes. Trois matrones, aux croupes lourdes, aux seins mûrs, lavaient des linges au pied d'un sphinx. Leurs mains tordaient, battaient une équivoque lessive, et l'eau ruisselante était du sang. Une de ces lavandières ressemblait à la princesse Olga et l'autre à la marquise Neidorf. Je ne reconnus pas la troisième. Une sarigue en prière, à l'ombre d'un Bouddha, m'apparut être l'âme de Mynheer Chapman, comme l'ami berlinois d'étal. Ses pattes précautionneuses égrenaient un chapelet d'opale. Et près d'un cimetière turc, toute une file de cigognes, perchée sur un grand mur, profila dans la nuit des silhouettes connues et ricana du bec à mon passage. Nous volions maintenant au-dessus des marécages. Tout à coup, la main qui m'emportait me lâcha. Des murs gluants, un terrain gras, une ombre étouffante et fade. J'étais dans une crypte, dont les voûtes suintaient, couché dans une boue étrangement mouvante, car elle s'enfonçait par place et par place, se soulevait. Et c'était comme une marée chaude, affreusement épaisse et fluide, où mon corps bercé s'enlisait. Des bruissements soyeux, de légers crissements. Je ne sais quoi d'innommable me frôlait. Un obscur grouillement me montait aux jambes et au ventre. Des souffles chauds m'horrifiaient, et puis sous mes mains tâtonnantes, ce fut l'effroi de petits corps velus et gras. Et tout cela remuait, virait sous moi, sur moi. Par moments, un vol d'ailes flasques me souffletait, et puis d'affreux baisers, des petites bouches pointues, où l'on sentait des dents, se posèrent sur mon cou, sur mes mains, sur mon visage. J'étais captif d'aspirantes caresses, foyé par tout mon corps de petites morsures savantes jusqu'à en défaillir. J'étais la proie des orteils aux cheveux d'innombrables ventouses. Les bêtes fétides se partageaient mon corps, violaient sournoisement toute ma nudité. Et soudain, dans l'ombre devenue verdâtre, je voyais ricaner les faces singulièrement gonflées des deux javanaises. Elles flottaient sans corps, comme deux vessies transparentes et vernies, diadémées de longs verres blancs, leurs yeux mi-clos laissaient filtrer comme par de fentes un regard huileux et mort. Les deux vessies riaient, tandis qu'approchaient de mon visage leurs quatre mains sans bras, quatre mains molles et exsangues menaçaient mes yeux de leurs ongles aigus, irradiés en griffes dans de longs étuis d'or. Et à la lueur des deux faces de larves, je voyais quel effroyable ennemi conquérait ma chair. Toute une armée d'énormes chauves-souris, de lourdes et grasses chauves-souris, des tropiques, de l'espèce dite vampire, suçait mon sang, baisait mon corps. Et la caresse insistait parfois si précise qu'elle me faisait vibrer d'une jouissance atroce. Et comme énervé, près du spasme, je me raidissais pour secouer ce pullulement de baisers, quelque chose de velu, de flasque et de froid m'entrait dans la bouche qu'instinctivement je mordais et qui m'emplissait la gorge d'un giclement de sang. Un goût de bête morte m'empoitrait la langue, une bouillie tiède me collait aux dents. Ce fut le réveil, enfin. Une brûlure d'alcali me piquait les narines, une main me tamponnait les tempes. Étale était à mes genoux, dans le désordre de l'atelier, envahi par le petit jour. Un peu d'air froid venait de la baie grande ouverte et me ranimait. J'avais une main dans celle de Sir Thomas qui me frappait dans la paume. Par-dessus l'épaule de son frère, les yeux anxieux de Maud White me considéraient. Il ne faudrait jamais fumer, concluait Sir Thomas. Dans la maussaderie de l'atelier poussiéreux et triste, c'était aux lueurs de l'aube, le navrement final d'un lendemain d'orgie, la fanerie pisseuse des tapisseries, l'aspect cadavéreux des bustes, la salissure des fleurs sur les tapis, et le long des chandeliers la cire grumelée en stalactites vertes. On se préparait au départ. Les Anglais, mis debout par le nègre, se retiraient raides avec des faces fermées et menaçantes, presque insinuées de force dans leur par-dessus. Maud, rassurée, s'enveloppait dans une longue pelisse de soie paille. Redressée sur mes coussins, je buvais à petites gorgées une eau teintée d'arnica que me tendait Sir Thomas. Oh, la pitié de ses grands yeux clairs en me regardant! « Allons, nous pouvons partir, » concluait l'Irlandaise en me tendant la main. Jack White faisait de même. Dans cet adieu, je vis que Maud portait au doigt deux grosses perles noires surmontées d'un rubis, un énorme trèfle de gemmes que j'avais vu au doigt de la Tornay Share avant notre fumerie. Et les yeux de cette Maud étaient frais comme de l'eau, sa pâleur jaune et reposée. La duchesse, à la minute, sortait de la chambre d'étal. Des flots traînants de moires cerises, tout ruisselant de dentelles d'or, l'engonçaient jusqu'aux oreilles, et récrépit à neuf, poudré et replâtrait de frais, son vieux visage de satyre souriait dans une nuée de dentelles blanches. « Nous partons, » disait-elle à Jacques, et la duchesse sortait, emmenant le frère et la sœur. « Il faudrait faire comme eux, » insistait Thomas Welcome. « L'air du matin vous fera du bien. Voulez-vous que je vous ramène ?»« Le duc de Fresneuse a son coupé, » interrompait brusquement Étale. « Un fiacre découvert vaudrait mieux. Oh, je ne vous conduirai pas au bois. Nous prendrons les quais, nous suivrons la Seine. » Et comme Claudius risquait un geste, « Monsieur de Fresneuse habite rue de Varennes et je suis à l'hôtel du Palais.